Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Boris Vian, le prince de Saint-Germain. Boris avait le cœur trop gros. Il était totalement tendre et parfaitement humain et parfaitement généreux et parfaitement doux et inquiet de tous les gens qui l'entouraient. C'était quelqu'un qui s'inquiétait beaucoup plus des autres que de lui-même. Ce n'était pas du tout un condamné à mort sec. C'était un condamné à vie, quoi. Ce qui l'inquiétait, c'était vivre. Condamné à vivre, dit Juliette Gréco à propos de Boris Vian dans cet extrait de l'émission Le sel de la semaine en 1967. Est-ce parce qu'il se savait condamné à mourir jeune que Boris Vian sera si pressé? En tout cas, il va marquer son époque, touche à tout. Il va s'intéresser à la musique, surtout au jazz, mais aussi à la littérature. Il va nous laisser 10 romans et plus de 400 chansons. Plus qu'un simple créateur, Boris Vian est aussi un sacré personnage et son nom reste aujourd'hui encore synonyme du Saint-Germain-des-Prés des années d'après-guerre. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on garde, je suis snob. C'est un être tout à fait spontané. Mais il organisait sa vie parce que c'était quelqu'un d'intelligent, très intelligent. Et pour ne pas perdre de temps dans la vie, il faut s'organiser. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob. Je ne sais pas si je bouscule exactement la logique. Je crois que cet effet vient de ce que la logique, pour moi, n'est pas la logique aristotélicienne, si vous voulez. Enfin, jamais je n'ai pu me contenter de la logique du blanc ou du noir ou de la logique à deux valeurs. C'est absolument insuffisant. Si une chose n'est pas blanche, elle peut être noire, évidemment, mais elle peut être également d'un tas de couleurs très différentes. Enfin, c'est pas oui, non ou peut-être. Je trouve que même ces trois valeurs-là sont bien insuffisantes. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Sur la chanson « Je suis snob », vous entendiez Ursula Kubler, la seconde épouse de Boris Vian, et Boris Vian lui-même, deux extraits d'entrevue présentés à l'émission « En attendant mi-ville » en 1965. Pour nous parler de la vie et de l'œuvre de Boris Vian, je reçois l'historien Éric Dussault, qui est attaché au musée de Charlevoix, spécialiste du Paris d'après-guerre, auteur entre autres de l'ouvrage « L'invention de Saint-Germain-des-Prés ». Éric Dussault, bonjour. Bonjour Jacques. Commençons avec cet extrait qu'on vient d'entendre pour essayer de voir un peu la vision qu'a Boris Vian de la vie. Il propose dans son œuvre un univers fantaisiste, parallèle. Donc, question double, comment décrire cet univers-là et quelle place, pour rejoindre ce que disait Ursula Kubler, quelle place cet univers complètement déjanté occupe dans sa vie réelle aussi? Bien, en fait, il est reconnu pour Le Déserteur, qui est une chanson très sérieuse, anticolonialiste, mais pour moi, c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui est toujours dans l'ironie, dans l'humour noir. Alors, à la question « Comment résumer Boris Vian ?» Toujours l'humour. Ouais. D'ailleurs, ça va lui nuire, parce que lorsqu'il voudra être reconnu comme écrivain, en raison de cette attitude à toujours tourner en dérision tout et n'importe quoi, finalement, on ne prend pas Boris au sérieux, ouais, incluant Charles Delaunay, dont on va reparler probablement, qui est un ami proche, un amoureux du jazz, moderne entre autres, et lui-même, même s'il côtoie Boris sur une base très régulière, ne croit pas vraiment à cet écrivain. Mmh. Mais ce côté déroutant qu'on trouve dans son œuvre, ce côté fantaisiste, cet univers parallèle, est-ce que ça existe? Est-ce que ça fait partie du personnage dans la vie? Bien, n'oubliez pas qu'il fait partie du collège de pataphysique, ouais, qui est la science des solutions imaginaires, avec son voisin, d'ailleurs, au niveau de l'appartement, Jacques Prévert, avec plein de gens connus de l'époque. Donc, il faut... Il a ce côté-là. Il est ingénieur de formation, donc très sérieux, mais il va pratiquer ce métier-là quelques années seulement. mais il ne faut pas oublier qu'il y a un côté sérieux, carré, comme disait tout à l'heure sa seconde épouse, Mme Kubler. Mais en même temps, c'est un fantaisiste. Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement détaché de ce côté sérieux et qui veut toujours s'amuser, faire rire les autres. Son meilleur ami, le major, avait un œil de verre, s'amusait à le mettre dans un verre, à le boire, à le recracher. Ça décrit bien Boris. Ouais. Et d'ailleurs, quand son ami va mourir de suicide, il va être très affecté par ça. Ouais. Donc, tout un sacré bonhomme, un sacré personnage, je le disais au début de l'émission. Un touche-à-tout aussi, il faut y revenir tout de suite, parce que ça fait partie de ce qu'est Boris Vian. Comment décrire cet homme aux multiples talents? On écoute le cinéaste Yves Robert à l'émission Le sel de la semaine, en février 1967. Moi, j'ai très, très, très bien connu Boris. J'ai travaillé avec lui plusieurs fois. Mais je l'ai connu intimement. Et je crois ne pas être méchant du tout et être juste en disant que si Boris était vivant, il serait en train de corriger ce qu'il a fait. Il n'a pas eu le temps de se corriger, car il était trop pressé. Il fallait qu'il écrive, il fallait qu'il fasse tout. Il savait qu'il était marqué. Oh, Boris savait très bien qu'il allait mourir, d'ailleurs il en parlait tout le temps, en rigolant. Et nous savions, nous, que Boris mourrait jeune. Il avait le cœur en marmelade. On savait qu'un jour, boum, ça éclaterait. Et lui, il savait très très bien. Il savait très bien qu'il était condamné, qu'il allait disparaître. Il fallait que ça pète, il fallait que ça existe, il fallait que ça éclate. Alors Boris, lui, a éclaté mille fois. Car c'est un homme qui sort de Centrale, était ingénieur, qui a été musicien. Et qui a eu un orchestre, qui en a vécu, c'était pas un amateur, c'était pas un gars que je jouais, qui jouait de la trompinette, comme il disait, pour se faire rigoler. Il vivait de ça. Il a peint très bien, et il a vendu ses tableaux, sous d'autres noms, mais il les a vendus. Il a écrit. En plus d'écrire, il écrivait, il était poète, il a écrit des romans. Il chantait. Il a écrit des chansons, il a chanté, il a écrit des pièces de théâtre, il a été critique de disques, il a dirigé pendant 2 ou 3 ou 4 ans la section des variétés chez les disques Philips, il a joué la comédie. C'est un homme qui a une espèce de vie remplie. C'était un bonhomme étonnant. Bonhomme étonnant, effectivement, Boris Vian. Je suis très curieux, Éric Dussault, de vous entendre sur ce que vient de dire Yves Robert, le cinéaste. Quand il dit « il est allé trop vite », il se serait corrigé, dit Yves Robert, s'il avait été moins pressé. En fait, c'est la première fois que j'entends un discours critique sur Boris Vian qui, d'habitude, fait pas mal l'unanimité. Tout le monde est impressionné par la qualité d'écriture, par la vitesse, mais la vitesse de qualité. Ouais. Alors, ça m'étonne, ce commentaire, mais en même temps, je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai que Boris ne se relisait pas. C'est vrai que tout venait d'un jet. Il était dans l'urgence. Il était dans l'urgence. On va rappeler quand même qu'il souffrait d'insuffisance aortique et que dès l'âge de 15 ans, il a eu des problèmes de santé. Ouais. Donc, il est mort à 39 ans. Il a vécu sa vie. Il a brûlé la chandelle par les deux bouts. Si vous me permettez une référence locale, il me fait beaucoup, beaucoup penser à Grégory Charles. Quelqu'un qui dit ne pas dormir plus que 3-4 heures par nuit et qui est dans l'action continuellement. Ouais. Et dans toute cette action, pour vous, on va y revenir à ces deux grandes passions dans un instant, la musique, la littérature, mais qu'est-ce qu'il est d'abord et avant tout? Où s'illustre-t-il le plus brillamment? La question est intéressante parce qu'il s'est illustré comme prince de Saint-Germain-des-Prés, animateur des caves de jazz de Saint-Germain-des-Prés. Il s'est illustré comme comique auprès de son entourage, le rigolard. Il s'est illustré comme vulgarisateur de jazz. Il est associé à un certain nombre de chansons. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui ressort par-dessus tout? Bien, vous savez que j'aime beaucoup le jazz, donc pour moi, c'est sûr que c'est le vulgarisateur de jazz qui l'emporte. Ouais. Et effectivement, dans sa vie, ça a occupé beaucoup, beaucoup d'importance. Donc ça m'apparaît très important, mais surtout l'humour noir dans tout ce qu'il fait. Ouais. Pour moi, ça se résume essentiellement à ça. Mais c'est vrai que lui aurait aimé qu'on le perçoive d'abord et avant tout comme un écrivain. Comme ce sera un de ses grands drames, puis on y vient dans un instant, cette non-reconnaissance, au fond, du littéraire qu'il est, Boris Vian. Avant de parler de ses deux passions, littérature et musique, le jazz en particulier, un mot, vous l'avez évoqué sur ce personnage. On le disait dès le début, sacré personnage, encore aujourd'hui, ce fameux prince de Saint-Germain, c'est quelqu'un qui est associé à ce Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre. Comment décrire ce Boris Vian, prince de Saint-Germain? Ça veut dire quoi, ça? Ben, Juliette Gréco, c'est la muse. Lui, c'est le prince. Ouais. Hein, donc, ce sont des gens qui sont utilisés. On peut, je pense, utiliser ce mot-là pour décrire Boris, Gréco, Casalis, tous ces gens qui sont dans les caves de Saint-Germain, pour attirer la clientèle. Jusqu'au début des années 50, Boris va jouer de la trompette, qu'il appelle la trompinette. Attention, on va clarifier une chose, ce n'est pas un grand musicien, c'est simplement quelqu'un qui joue par plaisir. Ouais. Et en raison de l'aura médiatique qui tourne autour de lui... notamment à cause de son statut d'animateur des caves, il va pouvoir profiter d'une certaine renommée. Mmh. Et dans les palmarès que j'ai consultés dans les revues de jazz spécialisées, son nom ressort beaucoup, mais en fait, c'est plus un succès d'estime qu'un succès réel en termes de talent. Par contre, les ennuis de santé dont on parlait tout à l'heure l'incitent à arrêter justement au début des années 50 parce que le médecin lui dit « tu vas mourir de ça si tu continues ». Mais ambassadeur, ça c'est certain, de ce quartier qu'il affectionne, animateur de ce quartier. Là, il va même écrire un guide. Il ne vit même pas dans Saint-Germain, d'ailleurs. Non, ça, c'est intéressant. En fait, à partir de 1953, il va habiter sur la butte Montmartre, en bas de la butte Montmartre, dans Pigalle, ce qu'on appelle la Cité Véron, qui encore aujourd'hui est un appartement musée où j'ai fait des recherches. Et c'est une dame qui est l'ayant droit de son œuvre qui habite là-bas. Alors, quand on entre sur place, c'est Boris, l'univers de Boris, intégralement respecté, alors qu'il y a quelqu'un qui habite là-dedans. Donc, c'est assez étonnant, mais on voit tous les talents de cet homme-là. On l'entendait tout à l'heure avec Yves Robert, peinture et tout ça, ingénieur qui invente des choses avec toutes sortes de talents, mais on voit beaucoup de disques, on voit beaucoup de livres. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'il s'autoproclame Bison Ravi, donc c'est un anagramme, encore là, qui vient ajouter au personnage de Saint-Germain-des-Prés, quelqu'un qui se donne un faux nom pour finalement amuser... la populace, si je peux dire. Il a deux grandes passions, on y revient. On parlera de la musique, du jazz en particulier dans un instant. Mais d'abord, la littérature. Quelle place ça occupe dans sa vie? Très importante. Il ne faut pas oublier qu'il fréquente sur une base très, très, très régulière Raymond Queneau, Jean-Paul Sartre. Il est totalement intégré dans le milieu littéraire parisien. Tout ce qui tourne autour de Gallimard, cette maison d'édition qui est encore aujourd'hui la plus importante dans le monde francophone. Ce qui est triste, c'est que on dit souvent que la France, c'est le pays des pistons, c'est-à-dire que qui on connaît est déterminant pour la suite des choses. Dans le cas de Boris, c'est pas vrai, puisqu'il a l'appui de Queneau, il a l'appui de Sartre, il a l'appui d'un certain nombre de personnes comme écrivain, parce que ces gens-là aiment L'écume des jours, qui est un livre donc qu'il va publier en 1947. Ils sont plus connus, Plus connus. Et puis, ce livre-là n'est pas lu au moment de sa publication. Il passe inaperçu. Il en demeure pas moins qu'il est en nomination pour le prix de la Pléiade. Je rappelle qu'être publié à la Pléiade, c'est quand même pas rien. Et donc, il est en nomination pour le prix de la Pléiade. Finalement, c'est pas lui qui va l'obtenir, malgré l'appui de Queneau et Sartre. Ça va beaucoup l'affecter. Ensuite, il y aura toute l'affaire de J'irai cracher sur vos tombes qui En fait, juste petite parenthèse avant de parler de J'irai cracher sur vos tombes. L'écume des jours, vous le dites, au moment de sa publication, ça fait... Patate. C'est en mai 68 qu'on redécouvre ce roman-là. En fait, le livre est réédité à partir de 1963. Et la jeunesse de 68 se l'approprie parce que l'univers de l'écume des jours, qui est totalement métaphorique, hein, avec un nénuphar dans le cœur pour illustrer la maladie, comme... La maladie de Boris Vian, toutes les références au jazz qu'on y retrouve, la conférence de Jean-Paul Sartre qui s'est réellement passée dans la vraie vie, mais dont on tourne en dérision le déroulement dans le roman, Jean-Paul Sartre qui devient Jean-Sol Partre. Tout ça fait en sorte que la jeunesse de 68 adhère à ça. Alors revenons-y à cette œuvre, cette autre œuvre très importante qui va faire scandale. J'irai cracher sur vos tombes. Il publie ça sous un pseudonyme, Vernon Sullivan. Racontez-nous cette histoire-là. En fait, c'est un coup marketing. Hein? Son éditeur souhaite faire un coup d'argent. Et en même temps, on s'entend que c'est un canular. Alors, L'écume des jours, vient l'a écrit en 2 mois. Ce roman-là, J'irai cracher sur vos tombes, il l'écrit en 10 jours. Et là, c'est publié. Assez rapidement, on en parle. Pourquoi? Parce que ça fait scandale, mais surtout parce qu'il y a un meurtre qui est commis à Paris, dans un hôtel, et la victime, assassinée par un homme jaloux, à côté du lit, il y a une table de chevet. Et sur la table de chevet, là où on retrouve un livre, c'est le livre de Boris Vian, sous le nom Vernon Sullivan, J'irai cracher sur vos tombes. Alors, par ailleurs, la page qui a été choisie pour déposer le livre, c'est celle où il y a un meurtre. Alors là, la presse dit, voilà, c'est un livre scandaleux qui incite au meurtre et tout ça. Il va y avoir une institution qui peut faire rigoler aujourd'hui, un organisme qui existe, qui est piloté par Daniel Parker, qui s'appelle le Cartel d'action sociale et morale, qui va s'attaquer à tout ce qui est scandaleux de son point de vue après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et notamment les livres de Boris Vian. Alors, il y a un recours judiciaire contre Boris Vian. D'ailleurs, il va être condamné à 100 000 francs d'amende, ce qui est quand même pas rien dans les années 40-50. Il est même condamné à 15 jours de prison, Boris Vian, pour cette affaire-là. Finalement, il n'ira pas en prison. Il va être amnistié, mais quand même, c'est quelque chose de sérieux, là. Alors, le scandale lui colle à la peau. Résultat, il perd toute crédibilité comme écrivain à partir de ce moment-là et Gallimard s'éloigne de lui à tout jamais. Donc, ça nuit à sa carrière d'écrivain. Boris Vian à la trompette en compagnie à la batterie de son frère Alain. Alain Vian, c'est, on l'a déjà évoqué, Éric Dussault, le jazz, l'autre grande passion de sa vie, de la vie de Boris Vian. Comment vient-il à s'intéresser à cette musique, au jazz? À partir du milieu des années 30, il va faire partie du Hot Club de France. Faut savoir que c'est très important en France, cette institution-là. Il y en a encore qui existent aujourd'hui, pas simplement en France. Ça va bourgeonner un peu en Europe. Je suis allé en Belgique où il y en a encore. Au moins un aujourd'hui. Donc, ce sont des clubs d'amateurs de jazz, mais c'est du sérieux, hein? On écoute des disques, il y a une façon particulière de taper du pied, de bouger, de réagir. C'est presque une secte, une religion. Et on écoute les nouveautés et les classiques de style Nouvelle-Orléans, qui est à l'origine du jazz. Et Boris Vian fait partie de ça à partir du milieu des années 30. Par ailleurs, c'est un zazou, ou en tout cas, on lui accole l'étiquette de zazou, donc ces jeunes qui aiment le jazz et qui sont plutôt bien habillés durant la Seconde Guerre mondiale. Et qui défie, au fond, le climat ambiant de tristesse et l'occupation en disant « on fait la fête, on s'éclate ». Oui, et, mais on ne parle pas de résistants dans ce cas-là. On parle de gens qui sont totalement dans l'ironie par rapport au contexte dans lequel ils grandissent. Ils ont 20 ans. Hein? Ouais. Donc, Boris fait partie de ces gens-là. Je rappelle qu'il est né et qu'il habite à ce moment-là à Ville-d'Avray, en banlieue de Paris, et que cette maison est énorme et qu'il organise ce qu'on appelle des surprises parties. Et il peut y avoir 300-400 personnes qui assistent à ces surprises parties. Si vous voulez un compte-rendu de ça, il faut absolument lire Le Ver coquin et le plancton, qui est un de ses romans publié en 1946 chez Gallimard, d'ailleurs. Ouais. Alors, c'est le livre pour voir cette vie de Boris Vian au moment où il est jeune et qu'il danse là-dessus. Et après, lors de l'ouverture des caves à Saint-Germain-des-Prés, dont il est directement partie prenante, il va jouer de la musique, mais il va aussi inviter tous ses musiciens, notamment afro-américains, parce qu'il faut le dire, là, il a, disons, sa faveur va beaucoup aux afro-américains lorsqu'il est question de musique de jazz américaine, et il les fait venir à Saint-Germain-des-Prés à chaque fois qu'ils ont un séjour à Paris. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Boris Vian chantant Le Déserteur. Cette chanson-là, Éric Dussault, sera à la fois un grand succès, mais un grand scandale aussi. Dans quel contexte Boris Vian écrit cette chanson-là? Grand scandale, elle est interdite à la radio. Oui. Et même l'éditeur qui devait la publier se retire finalement parce que c'est trop sulfureux. Oui. Pourquoi? Parce que Boris est surveillé par la police et par les institutions militaires. On est en pleine guerre d'Algérie. On a du mal à imaginer aujourd'hui, peut-être après coup, mais la guerre d'Algérie, c'est énorme. C'est comme la guerre du Vietnam chez les Américains. c'est vraiment terrible parce que les jeunes vont aller faire leur service militaire, vont voir des horreurs, on sait qu'il y a de la torture et tout ça. Il y a des attentats en France, il y a des attentats en Algérie même. Et Boris Vian, voyant cela, du fait qu'on parle de jeunes qui sont envoyés à la guerre, dit « ben allez-y, vous, à la guerre, les généraux », plutôt que d'utiliser la jeunesse comme victime numéro un de ce conflit-là. Et c'est étonnant, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, durant la Seconde Guerre mondiale, il n'est absolument pas résistant. Mm-hmm. Quand on écoute du jazz et qu'on danse, on n'est vraiment pas résistant. Par contre, là, il y a un retournement de situation, puisqu'il prend position et les paroles ont été modifiées. Hein. On sait qu'il y a toute une histoire, je ne rentrerai pas dans les détails, mais parfois la conclusion, elle est modifiée, mais elle s'attaque directement aux généraux. Ouais. Et Mouloudji, qui est une autre vedette de l'époque, va la chanter et lui aussi va avoir des ennuis. Donc, il ne faut pas minimiser l'impact ouais. que ça a. Là, chanter ça en 1954-55, c'est très courageux. Et ça reste une immense chanson parce que le texte, il est universel, il est hors du temps, il nous parle encore aujourd'hui, et il nous frappe au cœur avec la même force qu'à l'époque. Ça reste vraiment, vraiment une grande chanson de Boris Vian. Il meurt très jeune, on l'a dit, à 39 ans, dans de drôles de circonstances. Qu'est-ce qui se passe? On l'a dit tout à l'heure, j'irai cracher sur vos tombes, ennui à sa carrière d'écrivain. Comble de l'ironie, il y a un film contre sa volonté qui est réalisé. Sur « J'irai cracher sur vos tombes ». En 1959, durant l'avant-première du film à laquelle il assiste, il meurt. Incroyable. Alors, ça résume tout le drame de cette vie d'écrivain déchu. Et même lui qui aimait tant le cinéma, faut pas oublier qu'il a écrit de nombreux scénarios de films, qu'il a lui-même participé à des films aussi comme comédien, se retrouve devant un film qu'il déteste, avec un livre qui lui colle à la peau, mais qu'il aurait tant voulu... Il l'a probablement regretté, hein, l'écriture de ce livre-là, la publication du livre. C'est toute sa vie qui est résumée là-dedans, me semble-t-il, comme écrivain. Aujourd'hui, Éric Dussault, qu'est-ce qui reste de ce personnage, de son œuvre, dans la France d'aujourd'hui? L'écume des jours est devenue une lecture obligatoire en France. Donc, c'est signe que ça fait partie du patrimoine maintenant. Comble de l'ironie, en 2010, pendant que je suis en France en train de faire mes recherches chez lui, on apprend qu'il est édité par la Pléiade. Je rappelle que le prix de la Pléiade lui a échappé au milieu des années 40 et que finalement, 70 ans plus tard, il obtient gain de cause avec, dans la plus prestigieuse des collections françaises, son œuvre publiée, qui avait déjà été publiée par Fayard dans sa totalité. On parle de plus de 10 000 pages. Donc, c'est devenu un classique. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, après coup, il a eu gain de cause. Sa victoire est totale. Mais durant sa vie, l'écrivain, malheureusement, a été complètement laissé de côté. Ouais. Éric Dussault, c'était fascinant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Éric Dussault, historien, responsable de l'action culturelle et de l'éducation au musée de Charlevoix, auteur également de l'ouvrage « L'invention de Saint-Germain-des-Prés ». Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire.